en décembre 1734. Ange tutélaire de deux malheureux, j'ai enfin reçu de la frontière des nouvelles de votre ami. Il y est arrivé sans accident et en bonne santé. Sa malheureuse santé soutient toujours mieux les voyages qu'on oserait l'espérer, parce qu'en voyage, il travaille moins. Cependant, quand je regarde la terre couverte de neige, ce temps sombre et épais, quand je songe dans quel climat il va et l'excessive délicatesse dont il est sur le froid, je suis prête à mourir de douleur. Je supporterais son absence si je pouvais me rassurer sur sa santé. Je ne veux point absolument qu'il aille en Prusse, et je vous le demande à genoux. Il serait perdu dans ce pays-là. Il se passerait des mois entiers avant que je puisse avoir de ses nouvelles. Je serais morte d'inquiétude avant qu'il revînt. Le climat est horriblement froid. Le prince royal n'est pas roi. Quand il le sera, nous irons le voir tous deux. Mais jusqu'à ce qu'il le soit, il n'y a nulle sûreté. Son père ne connaît d'autre mérite que d'avoir 6 pieds de haut. Il est soupçonneux et cruel. Il persécute son fils. Il le tient sous un joug de fer. Il croirait que M. de Voltaire lui donnerait des conseils dangereux. Il est capable de le faire arrêter dans sa cour ou de le livrer aux gardes des Sceaux. En un mot, point de Prusse, je vous en supplie, ne lui en parlez plus. Le 30 décembre de la même année, elle exprime au comte d'Argental de nouvelles et plus vives inquiétudes. Elle craint qu'on ne la sépare à jamais de Voltaire. Un de ses parents, qui lui est hostile, menace d'écrire une lettre au marquis de Châtelet pour lui dessiller les yeux. Après avoir parlé de cette crainte, « Je désire, dit-elle, de me tromper, mais si je ne me trompe pas comme je le crains, il est de la dernière importance que je le sache. Cela changerait toute ma vie. Il faudrait abandonner Cirey du moins pour un temps, et venir demeurer à Paris. Là, on n'aurait point de prétexte de prier Monsieur du Châtelet de ne lui point donner asile, et nous pourrons du moins nous voir. Il faudrait que j'eusse le temps de prévenir Monsieur du Châtelet de loin, car nos affaires sont arrangées pour demeurer ici au moins encore 2 ans. Nous y avons fait bien de la dépense, mais cela ne fait rien. J'en viendrai à bout, pourvu que je le sache. Il est bien affreux de quitter Cirey, mais tout vaut mieux que la lettre à Monsieur du Châtelet. Je vous demande donc d'éclaircir ce mystère d'iniquité. Ma vie, mon état, ma réputation, mon bonheur, tout est entre vos mains. » Et le 31 décembre, « La tête me tourne d'inquiétude et de douleur. Vous vous en apercevez bien à mes lettres. Je n'ai pas eu de nouvelles de votre ami depuis le 20. Cependant, je suis bien sûr qu'il m'a écrit. Il peut arriver tant d'accidents en chemin, sa santé est si mauvaise, que les choses les plus sinistres me passent par la tête et que je suis prête à céder à mon désespoir. Il se peut encore qu'on ait reconnu son écriture et qu'on ait arrêté ses lettres. Il y a 15 jours que je ne passais point sans peine 2 heures loin de lui. Je lui écrivais alors de ma chambre à la sienne. Il y a 15 jours que j'ignore où il est et ce qu'il fait. Je ne puis même pas jouir de la triste consolation de partager ses malheurs. Pardonnez-moi de vous étourdir de mes plaintes, mais je suis trop malheureuse. » Janvier 1735. « Je vous ai mandé mes raisons aussi bien que mes instances pour qu'il fût d'une sagesse extrême dans cette nouvelle édition de ses œuvres. Il faut à tout moment le sauver de lui-même, et j'emploie plus de politique pour le conduire que tout le Vatican n'en emploie pour retenir la chrétienté dans ses fers. On, Voltaire, m'envoie la copie d'une lettre au prince royal de Prusse. Voici ce que je trouve. J'aurai la hardiesse d'envoyer à votre Altesse royale un manuscrit que je n'oserai jamais montrer qu'à un esprit aussi dégagé de préjugés que le vôtre, et à un prince qui, parmi tant d'hommages, mérite celui d'une confiance sans bornes. Je connais ce manuscrit. C'est une métaphysique, d'autant plus raisonnable qu'elle ferait brûler son homme. Jugez si j'ai frémi. Je n'en suis pas encore revenu d'étonnement, et je vous avoue aussi de colère. J'ai écrit une lettre fulminante, mais elle sera si longtemps en route que le manuscrit pourra bien être parti avant qu'elle arrive, ou du moins on me le fera croire, car nous sommes quelquefois entêtés, et ce démon d'une réputation que je trouve mal entendue ne nous quitte point. Je vous avoue que je n'ai pu m'empêcher de gémir sur mon sort quand j'ai vu combien il fallait peu compter sur la tranquillité de ma vie. Je la passerai à combattre contre lui pour lui-même sans le sauver, à trembler pour lui, à gémir de ses fautes ou de son absence. Mais enfin, telle est ma destinée, et elle m'est encore plus chère que les plus heureuses, confiée à un prince de 24 ans dont le cœur ni l'esprit ne sont encore formés, qu'une maladie peut rendre dévot, qu'il ne connaît point le secret de sa vie, sa tranquillité et celle des gens qui ont attaché leur vie à la sienne. En vérité, il devait ne le point faire. Si un ami de 20 ans lui demandait ce manuscrit, il devrait le lui refuser, et il l'envoie à un inconnu et prince. Et plus loin, ce serait bien ici le temps de faire imprimer cette dissertation sur les 3 épîtres. Cela lui ferait plus de plaisir que cela ne vaut. Il faut lui pardonner ses faiblesses. En février de la même année, elle écrit encore « Je l'aime mieux libre et heureux en Hollande que menant pour moi la vie d'un criminel dans son pays. J'aime mieux mourir de douleur que de lui coûter une fausse démarche. » On jouait à Alzire, à Bruxelles, à Anvers et dans toutes les villes où il a passé. Quel chaos de gloire, d'ignominie, de bonheur, de malheur. Heureuse, heureuse l'obscurité. Vous penserez que je deviens folle. On le saurait à moins. Je suis un avare à qui on a arraché tout son bien et qui craint à tout moment qu'on ne le jette dans la mer. Plus de cour de Lorraine. Si je puis revoir votre ami, je ne veux jamais sortir de Ciré. J'en reçois dans cette minute une lettre qui me fait bien craindre qu'il ne revienne point. Je suis très mécontente de lui. Il faut enfin que je vous l'avoue, et je crains fort qu'il ne soit bien plus coupable envers moi qu'envers le ministère. Enfin, nous verrons s'il reviendra. Mais je vous le répète, je n'en crois rien, et je vous jure bien que je ne me sens pas la force de résister au chagrin que j'en ressentirai. Nous le perdrons sans retour, n'en doutez point, mais qui pourrait le conserver malgré lui-même? Je n'ai rien à me reprocher, c'est une triste consolation. Je ne suis pas née pour être heureuse, je n'ose plus rien exiger de vous, mais si je l'osais, je vous prierai de faire encore un dernier effort sur son cœur. Mandez-lui que je suis bien malade, car je le lui mande, et qu'il me doit au moins de venir m'empêcher de mourir. Je vous assure que je ne mens pas trop, car j'ai la fièvre depuis 2 jours. La violence de mon imagination est capable de me faire mourir en 4 jours. Je suis bien plus à plaindre que je ne l'ai jamais été. Il est affreux d'avoir à me plaindre de lui. C'est un supplice que j'ignorais. S'il vous reste encore quelque pitié pour moi, écrivez-lui. Il ne voudra point rougir à vos yeux. Je vous le demande à genoux. Si vous aviez vu sa dernière lettre, elle est signée « Il m'appelle Madame ». C'est une disparate si singulière que la tête m'en a tourné de douleur. Monsieur du Châtelet me persécute pour aller en Lorraine, au mariage de Madame la Princesse. Mais je n'en veux rien faire. Une noce et une cour me désoleraient. L'endroit où j'ai vu votre ami est le seul que je puisse habiter. Et en finissant, ses lauriers le suivent partout, mais à quoi lui sert tant de gloire? Un bonheur obscur vaudrait bien mieux. O vanas hominum mentes, o pectora creoca, vale, eme ama et ignosque. Ici s'interrompt cette correspondance avec M. d'Argental. Nous la retrouverons 3 ans plus tard. Ces fragments ont suffi pour initier le lecteur à ce qu'était l'amour de Madame du Châtelet pour Voltaire. Quel dévouement, quel oubli d'elle-même, quelle préoccupation incessante de l'être aimé. Elle tremble pour sa santé, pour son repos, pour sa réputation. Elle songe même à satisfaire ses faiblesses littéraires. C'est bien là un cœur de femme. C'est un de ces cœurs que l'égoïsme de Madame du Deffand était incapable de comprendre. Les fragments de ces lettres font revivre Madame du Châtelet telle qu'elle fut. Dans une correspondance intime, on se découvre bien mieux que dans des mémoires où l'on pose presque toujours pour la postérité. Après quelques mois de séjour en Hollande, Voltaire revient à Ciré, et tous les tourments de Madame du Châtelet font place au bonheur. Les 3 plus belles années de cette liaison, qui dura près de 15 ans, s'écoulèrent de 1735 à 1738. Durant ces 3 ans, leur amour fut sincère et parfait. Non seulement les vers plus émus de Voltaire en font foi, mais dans sa correspondance à la date de ces années, on découvre à chaque instant la vérité et la force du sentiment qu'il éprouvait pour elle. C'est de ce temps que sont ses vers. Tout est égal, et la nature sage veut au niveau ranger tous les humains. Esprit, raison, beaux yeux, charmant visage, fleur de santé, doux loisir, jour serein, vous avez tout, c'est là votre partage. Moi, je parais un être infortuné, de la nature, enfant abandonné, et n'avoir rien semble mon apanage, mais vous m'aimez, les dieux m'ont tout donné. Madame du Châtelet ne faisait pas de vers, elle en fit un seul pour Voltaire, et c'est un vers latin. Post genitis hic carus erit, nunc carus amicis. Ce vers, qui fut gravé au bas du portrait de Voltaire, devait l'être plus tard sur son tombeau. Mais ces jeux d'esprit de leur tendresse n'étaient qu'un délassement pour ces deux grandes intelligences. Des études plus sérieuses les captivaient. Voltaire composait à Siret ses plus belles tragédies et ébauchait son siècle de Louis XIV. Madame du Châtelet, éprise de la philosophie de Leibniz, la défendait contre Voltaire et Maupertuis et écrivait pour son fils les « Institutions de physique ». Les spirituelles railleries de l'auteur de Candide ne pouvaient la détacher de sa tendance à l'optimisme où se révélait son amour des grandes conceptions. Nous citerons ce passage remarquable de la dédicace à son fils. Jusqu'au dernier siècle, les sciences ont été un secret impénétrable auquel les prétendus savants étaient seuls initiés. C'était une espèce de cabale dont le chiffre consistait en des mots barbares qui semblaient inventés pour obscurcir l'esprit et pour le rebuter. Descartes parut dans cette nuit profonde comme un astre qui venait éclairer l'univers. La révolution que ce grand homme a causée dans les sciences est sûrement plus utile et peut-être même plus mémorable que celle des plus grands empires. Et l'on peut dire que c'est à Descartes que la raison humaine doit le plus, car il est bien plus aisé de trouver la vérité quand on est une fois sur ses traces que de quitter celle de l'erreur. La géométrie de ce grand homme, sa dioptrique, sa méthode, sont des chefs-d'œuvre de sagacité qui rendront son nom immortel, et s'il s'est trompé sur quelques points de physique, c'est qu'il était homme, et qu'il n'est pas donné à un seul homme ni à un seul siècle de tout connaître. Nous nous élevons à la connaissance de la vérité comme ces géants qui escaladaient les cieux, en montant sur les épaules les uns des autres. Ce sont Descartes et Galilée qui ont formé les Huygens et les Leibniz, ces grands hommes dont vous ne connaissez encore que les noms et dont j'espère vous faire connaître bientôt les ouvrages. Et c'est en profitant des travaux de Kepler et en faisant usage des théorèmes d'Huygens que M. Newton a découvert cette force universelle répandue dans toute la nature qui fait circuler les planètes autour du Soleil et qui opère la pesanteur sur la Terre. Dans une lettre à Maupertuis, Madame du Châtelet nous fait connaître elle-même sa passion pour les sciences. « La vie est si courte, lui écrit-elle, si remplie de devoirs et de détails inutiles, qu'ayant une famille et une maison, je ne sors guère de mon petit plan d'études pour lire les livres nouveaux. Je suis au désespoir de mon ignorance. Si j'étais homme, je serais au Mont Valérien avec vous et je planterais là toutes les inutilités de la vie. J'aime l'étude avec plus de fureur que je n'ai aimé le monde, mais je m'en suis avisé trop tard. Conservez-moi votre amitié, elle console mon amour-propre. » C'est sans doute aussi durant ces studieuses années de retraite passées à Siret que Madame du Châtelet composa un petit traité qui ne fut publié qu'après sa mort, ayant pour titre « Doute sur la religion révélée ». Ici, avec ce même style ferme et lucide qui, dans les institutions de physique, lui sert à démontrer l'existence de Dieu, elle exprime ses doutes sur la révélation, les miracles, l'écriture sainte. Dans ce rare et curieux écrit, cette intelligence sérieuse et hardie veut soumettre à la raison toutes les propositions de la foi, et souvent elle appelle à son aide l'esprit et la raillerie de Voltaire. C'est encore à Siret, dans ses beaux jours d'intimité, qu'elle commence à traduire le livre des principes de Newton. Tous les esprits étaient émus de cette magnifique découverte qui avait opéré une si profonde révolution dans la science. Une femme jeune et belle se prend de passion pour cette grande étude, et la première, elle fait connaître à la France et rend accessible au vulgaire l'immortel ouvrage du philosophe anglais. Madame du Châtelet a rendu un double service à la postérité, dit Voltaire, en traduisant le livre des principes et en l'enrichissant d'un commentaire. Il est vrai que la langue latine dans laquelle il est écrit est entendue de tous les savants, mais il en coûte toujours quelque fatigue à lire des choses abstraites dans une langue étrangère. D'ailleurs, le latin n'a pas de terme pour exprimer les vérités mathématiques et physiques qui manquaient aux anciens. Voltaire écrivait encore à son ami Thiriot. « Nous étudions le divin Newton à force. Vous autres serviteurs des plaisirs, vous n'aimez que les opéras. Et pour Dieu, mon cher petit Mersenne, aimez les opéras et Newton, c'est ainsi qu'en use Émilie. Que ces objets sont beaux, que notre âme épurée vole à ces vérités dont elle est éclairée. Oui, dans le sein de Dieu, loin de ce corps mortel, l'esprit semble écouter la voix de l'Éternel. Vous, à qui cette voix se fait si bien entendre, comment avez-vous pu, dans un âge encore tendre, malgré les vains plaisirs, cet écueil des beaux jours, prendre un vol si hardi, suivre un si vaste cours, marcher avec Newton dans cette route obscure du labyrinthe immense où se perd la nature. Voilà ce que je dis à Émilie dans des entresols vernis, dorés, tapissé de porcelaine, où il est bien doux de philosopher. Voilà de quoi on devrait être envieux plutôt que de la Henriade. Mais on ne fera tort ni à la Henriade, ni à ma félicité. C'était durant la nuit, de minuit à 5 heures du matin, que Madame du Châtelet travaillait. 3 heures de sommeil lui suffisaient. À son lever, elle faisait souvent, dans la belle saison, une promenade à cheval. Sa toilette de campagne était fort simple. Elle portait une robe d'indienne, un tablier de taffetas noir, ses beaux cheveux bruns, très longs et sans poudre, étaient relevés sur le sommet de la tête et retombaient en boucle par derrière, comme ceux des enfants. À 11 heures, on prenait le café dans l'appartement de Voltaire, après quoi l'on se remettait au travail, ou bien l'on répétait quelque ouvrage dramatique de Voltaire, tragédie, comédie ou opéra que l'on représentait le soir sur le petit théâtre du château. Madame du Châtelet y jouait toujours le premier rôle, les autres étaient remplis par les visiteurs qui se succédaient à Ciret. On soupait à 9 heures dans la galerie de Voltaire qui, poudrée, parfumée, en veste brodée d'or, en habit à la française, recevait la châtelaine bien-aimée, entourée d'un nombreux domestiques. On faisait grande chère, on buvait du vin de champagne du cru, du vin d'Alicante donné par Maupertuis et du vin de Hongrie envoyé par le prince royal de Prusse. Lorsqu'il était à Ciret, le marquis du Châtelet assistait au souper, mais au dessert le sommeil le gagnait, il se retirait. C'est alors que Voltaire lisait à Émilie et à ses hôtes le travail de sa journée, tantôt un acte de tragédie, tantôt une épître, une réponse à un pamphlet ou un fragment de son histoire de Louis XIV. Les conseils littéraires que lui donnait son ami étaient excellents. Au risque de blesser sa susceptibilité de poète, toujours en éveil, elle engageait Voltaire à faire moins de vers et à les châtier davantage. Elle modérait les emportements de son amour-propre irrité et s'efforçait d'arrêter sa plume quand il voulait se venger des injures de ses ennemis en les injuriant à son tour. Ferme et digne, elle faisait des observations avec franchise et vivacité, et ne cédait point aux colères qu'elle suscitait parfois. De là, des querelles fréquentes, mais soudain apaisées, que le public appelait de graves dissentiments. Madame du Châtelet manquait peut-être de douceur, mais elle avait la bonté, la droiture et le dévouement. Quand Voltaire était malade, Madame du Châtelet, assise à son chevet, lui lisait les épîtres de Cicéron, Virgile et Ovide en latin, Newton et Pope en anglais, ou bien elle lui servait de secrétaire. Ce temps de bonheur, car c'était du bonheur, malgré quelques nuages bien vite dissipés par l'amour, fut troublé à la fin de 1736. Voltaire menaçait de nouveau après la publication du Mondain et forcé de quitter Ciret. Madame du Châtelet l'accompagne jusqu'à Vassy, petite ville sur la route de Bruxelles, c'est de là qu'il écrit au comte d'Argental. « Votre ami est devant moi qui fond en larmes. Mon cœur est percé. Faudra-t-il la laisser retourner seule dans ce château qu'elle n'a bâti que pour moi et me priver de ce qui est la consolation de ma vie, parce que j'ai des ennemis à Paris. Je suspends dans mon désespoir mes résolutions. J'attendrai encore que vous m'ayez instruit de l'excès de fureur où l'on peut se porter contre moi. » Il continue son voyage et recommande tendrement Madame du Châtelet à Madame de Chambonin par ce billet qu'il écrit en route. De Givet, décembre 1736. Monsieur de Chambonin, Madame, a un cœur fait comme le vôtre. Il vient de m'en donner une preuve bien sensible. Je me flatte que vous rendrez encore un plus grand service à la plus adorable personne du monde. Vous la consolerez, vous resterez auprès d'elle autant que vous le pourrez. J'ai plus besoin encore de consolation. J'ai perdu 1000 fois davantage, vous le savez. Vous êtes témoin de tout ce que son cœur et son esprit valent. C'est la plus belle âme qui soit jamais sortie des mains de la nature. Voilà ce que je suis forcé de quitter. Parlez-lui de moi. Je n'ai pas besoin de vous en conjurer. Vous auriez été le lien de nos cœurs s'ils avaient pu ne se pas unir d'eux-mêmes. Hélas, vous partagez nos douleurs. Non, ne les partagez pas, vous seriez trop à plaindre. Les larmes coulent de mes yeux en vous écrivant. Comptez sur moi comme sur vous-même. On le voit, ils étaient encore alors dans toute la ferveur du sentiment. Après un court séjour en Hollande, Voltaire revint à Cirey. C'est durant une de ces rares séparations forcées que Madame du Châtelet, étant à Paris, allait presque chaque jour au Mont-Valérien pour y prendre des leçons de Maupertuis. Mais ni la passion de la science, ni les plaisirs de la cour ne pouvaient lui faire oublier Cirey. Elle retourna bien vite auprès de Voltaire. Du reste, un écho du monde parisien les suivait toujours dans leur solitude. Tous les livres nouveaux, tous les journaux d'alors, leur étaient envoyés. Il recevait même les satires, les pamphlets dirigés contre Voltaire. Tantôt, c'étaient les injures grossières de l'abbé Desfontaines et de Jean-Baptiste Rousseau. Tantôt, des épigrammes à coups d'épingle, comme celle de Riccoboni qui chansonnait Voltaire et la marquise. Heureusement, ces attaques de la médiocrité envieuse, qui consacrent pour ainsi dire les renommées éclatantes, avaient de douces et glorieuses compensations. De toutes parts arrivaient à Cirey les témoignages de l'admiration de la France et de l'Europe. Peu soucieuse pour elle-même de l'éclat de la gloire, Madame du Châtelet, cette muse discrète et fière de la science, reportait à son amie ses hommages du monde, sans lesquels elle sentait bien qu'il aurait eu la faiblesse de se trouver malheureux. Le grand Frédéric, alors prince royal, était un des correspondants les plus assidus de Voltaire. Et toutes ces lettres renfermaient de gracieuses paroles pour Madame du Châtelet. « Si j'approchais de la divine Émilie, écrivait-il un jour, je lui dirais, comme l'ange de l'Annonciation, vous êtes la bénie entre toutes les femmes, car vous possédez un des plus grands hommes du monde. Et j'oserais encore lui dire, Marie a choisi le bon parti, elle a embrassé la philosophie. » Dans la vivacité de son enthousiasme pour Voltaire et pour son ami, enthousiasme que nous verrons bientôt s'affaiblir, Frédéric envoyait son portrait à Madame du Châtelet, des plumes et des écritoires d'ambre, petits souvenirs accompagnés de devises galantes faites par le prince poète. En 1737, un ambassadeur vint de sa part à Cirey. C'était le comte de Kaiserling, surnommé Césarion par Frédéric. Le château fut en fête durant 8 jours. On joua plusieurs pièces de Voltaire, on fit une belle illumination dont les lumières dessinaient le chiffre et le nom du prince de Prusse, avec cette devise « l'espérance du genre humain ». L'ambassadeur de Frédéric, qui arrivait du fond de la Poméranie, était surpris et charmé de ce luxe élégant dont la cour de Berlin ne lui avait pas donné l'idée. Quand il partit de Cirey, Madame du Châtelet lui offrit des présents beaucoup plus royaux que ceux qu'il avait apportés de la part de son maître. Cirey traitait de puissance à puissance avec Potsdam. Des amitiés tout aussi empressées, plus tendres et moins passagères que celles de Frédéric, les cherchaient encore dans leur solitude. Leurs deux anges, Monsieur et Madame d'Argental, leur écrivaient presque tous les jours des nouvelles de Paris. Helvétius communiquait ses premiers essais à Voltaire et s'enquérait du jugement de Madame du Châtelet. Le marquis d'Argence, l'aimable épicurien provençal, dont Voltaire devait retrouver plus tard l'amitié à Berlin, leur adressait ses lettres juives. D'autres se rendaient en pèlerinage à Cirey. En 1738, Madame Denis, nièce de Voltaire, vint y passer quelques jours. Madame du Châtelet et Madame Denis. Le rapprochement de ces deux noms rappelle naturellement ce que furent ces deux femmes dans la vie de Voltaire. L'une avait été l'amie noble, tendre, dévouée, inspiratrice des grands travaux du poète et lui avait offert la solitude de Cirey pour s'y recueillir. L'autre fut la ménagère tracassière, intéressée, mondaine, remplissant de bruit la maison de son oncle et le forçant à venir mourir à Paris où elle désirait vivre. Une autre femme, l'auteur des lettres d'une péruvienne, Madame de Graffigny, vint en cette même année 1738 chercher dans sa détresse un asile à Cirey. Elle y passa plusieurs mois et nous a laissé bien des commérages sur les deux amis. Maupertuis et Clairaut, Jean Bernouilly, Koenig, Algarotti habitèrent aussi ce beau lieu. Malgré les distractions du dehors, Madame du Châtelet continuait ses travaux scientifiques. Elle concourut pour un prix à l'Académie des sciences. Le sujet était « Dissertation sur la nature et la propagation du feu ». Voltaire composa un mémoire pour le même concours. Ils avaient travaillé à l'insu l'un de l'autre et ils ne savouèrent qu'ils avaient concouru qu'après le jugement de l'Académie qui distingua ces deux mémoires mais ne les couronna point. Madame du Châtelet aurait eu le prix de l'Académie, dit Voltaire, si l'absurde et ridicule système des tourbillons n'était pas encore dans toutes les têtes. Maupertuis confirmait ce jugement de Voltaire.